Il n'y a pas de justice. Прослушайте текст и назовите причину соперничества между двумя девушками. J'ai une amie qui s'appelle Régine Vatel. Elle a toujours faim et elle mange tout le temps. Au petit-déjeuner, elle mange 4 ou 5 croissants, du pain, du beurre et de la confiture. Elle prend toujours 2 bols de café au lait. Après la classe de 10 heures, elle a encore faim, alors elle mange un sandwich. À midi, elle rentre pour le déjeuner. Madame Vatel prépare toujours des hors-d'œuvre, de la viande, de légumes, de la salade, du fromage et des fruits. L'après-midi, Régine achète toujours du chocolat et le mange en classe quand le professeur ne la regarde pas. À 5 heures, quand elle rentre, elle mange du pain et du chocolat, 2 bananes et 1 ou 2 oranges. Au dîner, Madame Vatel prépare encore un énorme repas avec de la soupe, de la viande, des légumes, de la salade, du fromage et un dessert. De 9h à 10h, Régine travaille ou écoute des disques. À 10h, 10h30, elle commence à avoir faim. Alors elle va voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Et avec tout ça, elle maigrit. Moi, je ne prends jamais de petit déjeuner. À midi, je mange de la viande et un fruit. Au goûter, je prends du thé. C'est tout. Au dîner, je mange de la soupe et du fromage. Le matin, je fais des exercices avec la radio. Je vais toujours au lycée à pied. Après le lycée, je vais à la piscine. Le soir, après le dîner, je joue au tennis. Et je grossis. Il n'y a vraiment pas de justice.